Victorin eut une sueur froide. L'aspect du bourreau l'aurait moins ému que cette sœur sentencieuse et prétentieuse du bagne. En voyant sa robe lie de vin, il la crut vêtue de sang. « Madame, je n'accepte pas le secours de votre expérience et de votre activité. Si le succès doit coûter la vie à quelqu'un, et si le moindre fait criminel s'ensuit. « Vous êtes un grand enfant, monsieur, répondit Madame Saint-Estève. Vous voulez rester probe à vos propres yeux, tout en souhaitant que votre ennemi succombe. » Victorin fit un signe de dénégation. « Oui, reprit-elle, vous voulez que cette Madame Marneff abandonne la proie qu'elle a dans la gueule, et comment feriez-vous lâcher à un tigre son morceau de bœuf ? Est-ce en lui passant la main sur le dos et lui disant « Miné, miné ! Vous n'êtes pas logique, vous ordonnez un combat, et vous n'y voulez pas de blessure. Eh bien, je vais vous faire cadeau de cette innocence qui vous tient au cœur. J'ai toujours vu dans l'honnêteté de l'étoffe à l'hypocrisie. Un jour, dans 3 mois, un pauvre prêtre viendra vous demander 40 000 francs pour une œuvre pie, un couvent ruiné dans le Levant, dans le désert. Si vous êtes content de votre sort, donnez les 40 000 francs au bonhomme. Vous en verserez bien d'autres au fisc. Ce sera peu de chose, allez, en comparaison de ce que vous récolterez. » Elle se dressa sur ses larges pieds, à peine contenus dans des souliers de satin que la chair débordait. Elle sourit en saluant et se retira. « Le diable a une sœur, » dit Victorin en se levant. Il reconduisit cette horrible inconnue, évoquée les antres de l'espionnage, comme du troisième dessous de l'opéra se dresse un monstre au coup de baguette d'une fée dans un ballet féerique.